sur un port boiteux, déroule ta patte de culotte. Tire un port boiteux, tire un port boiteux, déroule ta patte de culotte, déroule ta patte de culotte. Tire un port boiteux, tire un port boiteux. Je représente pour ma région comme une religion. C'est ma région, à la vie, à la mort. Puis la bonne façon, ce sont les faux dehors qui représentent le rap bonbon. Artificiel, c'est officiel, le rap, c'est circonstanciel. Gardez l'accent est essentiel, qu'on te joie, que tu poil, tiens le voile de la population internationale. Méfiez-vous de l'imprévu, ça sera la prévue. À ce temps, à l'aperçu, du menu, tu pourras dire. Tu es reconnu, j'abote tout mon passage. Moi, qu'est-ce que tu sois sage, je fais le rap de film, c'est dommage légal. Je représente le rap ici, je perpétue pour ma poursuite. Pour le reste, je connais la suite, mes rimes font la prime. J'dis ce que j'ai à dire, puis ça rend infime. J'affirme que j'illumine l'impression qui trime avec la vraie moncule. Interdiction, la production permet de créer ma profiction. J'ai la juridiction, prédiction. Clarasia, sort de l'ombre, comblé d'affirmation. Délération, domination, génération. Mon rap chemin, japonais de rationalisation. Rationalisation. Alors, pour me défendre, mes compos se manifestent. Puis ça fesse dans sa peau, pas prétend que j'blesse. Tout ça avec sa coupe dans les fesses. Comme la peste, la peste, mon territoire céleste. Enfin, comme tempeste. Alors, pour me défendre, mes compos se manifestent. Puis ça fesse dans sa peau, pas prétend que j'blesse. Tout ça avec sa coupe dans les fesses. Comme la peste, la peste, mon territoire céleste. Enfin, comme tempeste. Pas de track, chaud la track. Sans ta chaîne, mon sac, chaque. Quand c'est barnac, barnac, fac. Pensez pas que j'suis d'accord. J'suis pas un enfant de cœur. De voir qu'à l'heure où on est rendu, y'a encore des fous scaps qui pensent qu'il y a de rap pour nous. Et tout le monde est perdu, on manœuvre avec ardu. Pour l'autre vertu résuée, soutenue et situe. Pour un mode de vie entendu, c'est la passion qui m'amène à ça. Je vois jusqu'au bout de vivre à cause de ma musique. 24 heures sur 24, je vis dans ma tête, j'ai autant de texte qu'un livre. Vive la marchandise en profusion sous la table avec ma trique. Je forme une efficace fusion, c'est fiable. Intrusion et map dans les vibrations instables. De votre tympan, faites les pendants qui ont rien compris au rap en fait. Hein. On se débat souvent que notre combat fait. Les gars ravagent des gars en raison. C'est pas le style vestimentaire qui fait le talent, mais bien le verbal que les MC émergent. On se développe pas n'importe comment. ML, moderne, super vierge, asperge. Ceux qui contredisent de son liquide comme sur une vierge. Alors, pour me défendre, mes compos se manifestent. Puis ça fesse dans sa peau, pas prétend, je blesse. Tout ça avec sa coupe dans les fesses. Comme la peste, la fesse, mon territoire céleste. En plein comme tempeste. Alors, pour me défendre, mes compos se manifestent. Puis ça fesse dans sa peau, pas prétend, je blesse. Ma radio est prête, vous êtes faite pour nous interdire. Faut que tu me jettes la tête première dans la toilette. Personne nous arrête, mon rap c'est pas la petite miette. Des sodas pour être nous avance avec la rage intense. On se démarque une bonne divergence. Marque des points d'intelligence, rentre en transe. Modifie de notre conscience, trouvant ma compétence. Compétent au mic, change d'axe, mets mon son à max. Et je te charge le poids, alors pour me défendre, mes compos sont manifestes. Puis ça fesse dans sa peau, pas prétend que je blesse. Tout ça avec sa coupe dans les fesses. Comme la peste, la fesse, mon territoire céleste. ML, Prince, Patrick Opac, ambassadeur, j'en pense, je te dirais, dédicace au vrai.